C'è chi viene da lontano e cresce come un italiano e vive come un siciliano ma senza cittadinanza, in uno stato che discrimina e semina intolleranza come il partito padano insano e senza fratellanza. E qui il diverso è sinonimo di colore, che sia giallo che sia nera, a me strega più del liquore. Il mio idolo è nero, compare, si chiama Bigel, la tua donna preferita si chiama Naomi Campbell. Spingo proteste insieme a tutti i miei fratelli e il sangue che ci scorre in tutti allo stesso colore. E intanto fai cori razzisti contro Balotelli e lavoro qui lo frega solamente l'assessore. JVS Ras qui rôde dans les ciels, la mec god. Il travaille pour un chibou, j'y sauveur, mais tout est difficile, y'en a problème, le problème. Y'en a qui pensent qu'il pas pour tout, cet système. Y'en a qui pensent des pieds pays pour le pays. Pour regarder, pas pour pleurer, mais pour rire. Grâce le loup, grâce le qui en vit vive, mais rappelle ça, incivilité qui fait l'origine italienne. Marginal, collaboration avec l'IPA, respect. J'imagine du monde sans elle, était plutôt te rester. Complété, viens si qu'il t'envie avec toi la fosse. Si sur ça l'état va donner zot la mec gosse. Moi me connais beaucoup du monde dans cette ville, mais j'y quitte respect tout rap, c'est pas du monde russe. Miscuglio di facce, bianchi, neri, rossa, cazzi. E noi uguali aboliamo i livelli tra le razze. Male dei boss suscitano clamore. Ancora in Padania c'è il concetto di razza superiore. Chiamami Terrone, non si ricordano gli con le valigie di cartone. E mi cadi in America da sud e settentrione. Non capisco il problema e quindi sollevo la questione. Mi sa tanto di fanatismo e il loro nazionalismo. L'ho industrializzato su da ratola conta verga nel velismo. Il tutto è attualismo, mi sembra ritornati all'epoca del vassalismo. E altro che il motivo. Italia e Regno Unito di Silvio Cribbio. Nouveau spuntégration rachal, détermination, pour l'homme les peuples sont plus occident situation radicale. Qui ne fait nous du mal, qui nous ne fait du mal. Nous occident paradis pour initier, si pour travail à l'école, à la panne, nous pas à la sasca, se fenta, ta passe, fait nous like l'animal, bientôt nous pour révolter, trop beaucoup la race. Écoutez nos frères des sapés, il a nous illégal. Un solo amore, un colore, un solo cuore, una nazione, dall'Italia alla Germania, al Senegal. Everywhere,